Vive, vive, Margot, j'aime son caractère. Oui, tu vas l'éprouver. Que nous serons. Tu me parais charmant. Tu sais bien me plaire. Je brûle d'être à toi. Viens-t'en.